Les playoffs, playoffs. Le petit Fa. Belgique, Liège. Barbarossa. France, Toulouse. L'exhaleur. Le défenseur et l'attaquant s'unissent, moi c'est Magic Jordan. Mais qu'on a qu'une vie et je la passe pas dans le trafic d'organes. Mon équipe polychrome comme Dennis Rodman. Quand ça fait la fine bouche pour quelques barils d'or noir. Donc l'ami c'est normal, si la nuit je dors mal. Mon voisin voudrait sous son sapin mon épine dorsale. On se balade avec la barque des leaders au doigt. Mec c'est le petit Fa, l'exhaleur et Barbarossa. On fout le feu avant que nos vies s'éteignent. C'est la finale à l'entre-deux du 7ème. C'est pour ceux qui lisent dans mes yeux que je les aime. J'ai toujours le même bras droit, le petit-fils du 7ème. Ne joue pas, le match peut finir trop vite. Accroché au basket de Mirko Filipovic. J'écris avec une Montana, face à face avec le monde de Tony Parker. Combat la monotonie. Quand on t'aurait pas remarqué, t'as pas le niveau. A la rigueur, tu paliras le parquet, mais tu feras pas le pivot. Trop se prête pour les gâchettes, mais fondu dans cette brique. Chaque erreur se paie cher et on t'avait annoncé le prix. Si quoi t'as pas remarqué qu'on était au-dessus. Alors où tu paliras le parquet, on sera un peu plus au-dessus. Y'aura pas de temps mort, pas de break, pas de remords, pas de trêve. Qui prendra alors, qui fera le tas de brèves. Non, je ne manque pas d'air dans le désert de l'apostrophe. Je reste légendaire comme la River d'Aboston. Le vent, la complicité de Malone et Stop. Les otages propagent le syndrome de Stockholm. J'tempe l'homme en plein vol, le ballon sur le plexi. Ta canache sur le parquet, moyen que la chambrette qui m'excite. Mets tes bras sur la tête, dans la claquette d'O'Neill. Pour oublier que frappe bien plus que la plaquette d'Exomil. Faut pas louper ça, non, quand le alley-oop s'annonce. D'ailleurs toi, tu comptes aller où avec mon ballon. J'ai repris le match en main, et les miens se donnent à fond. C'est la réincarnation de Jean Berlin sur le terrain. Une équipe se pose des questions, qui fera le dessert. Qui vient payer l'addition quand je m'envole à la claque. J'ai la grande bouche à Barclay, le non-respect des règles. J'arrêterai quand tu seras claqué, alors je stopperai les rêves. Aérien, on ne nous suit pas, ça ne sert à rien. Sur le chemin de la victoire, on ne fera qu'un aller sain. Des coups de crosse, j'ai la gâchette à Tony Kukoc. Polychrome, la fine équipe avec la foi qui nous coach. Elle nous a fait cavaler, qu'il pleuve ou qu'il vente. Aujourd'hui j'ai l'endurance de 10 cavaliers de Cleveland. On m'a dit de rester zen, pas vouloir la paix trop vite. Non, je veux juste marquer l'histoire, mais pas comme Drazen Petrovic. Au cas où t'aurais pas remarqué, t'as pas le niveau. A la rigueur, tu paliras le parquet, mais tu feras pas le pivot. Trop se prête pour des gâchettes, mais fondu dans cette brique. Chaque erreur se paie cher et on t'avait annoncé le prix. Si quoi t'as pas remarqué qu'on était au-dessus. Alors où tu paliras le parquet, on sera un peu plus au-dessus. Y'aura pas de temps mort, pas de break, pas de remords, pas de rêve. Qui prendra alors qui fera le tas de brèves. T'as quand même voulu tester, moi c'est Patrick Ewing. Tu voudrais grimper au cerceau alors que là je viens d'en triquer 8. J'ai la détente, bien pur beat, peux-tu t'effronter. Je vais te faire redescendre bien plus vite que tu n'es monté. Tu connais le tarif, ma polychrome et la fine équipe. Tu disais pèse le rap francophone, mes potos t'as pris les clignes. On est à l'exhaleur, le barbu, le petit Fa, voilà. Comment étrangler la prod avec les bras de Wallace. Nos héros restent les mêmes, c'est Frollo qui nous entoure. Ceux qui restent quand c'est trop long restent les mêmes quand le vent tourne. On est à du premier au quatrième carton, on fait mal. Et à la ligne des trois points, viens c'était partant. Viens voir, dehors c'est la jungle. Fiston le remix d'une grosse bagarre générale entre les Pistons et les Knicks. Écoutez, je suis dans la cabine pour dire au hip-hop qu'il arrête de laisser ses racines dans le filtre anti-pop. Au cas où t'aurais pas remarqué, t'as pas le niveau. A la rigueur, tu paliras le parquet, mais tu feras pas le pivot. Trop se prête pour les gâchettes, mais fondu dans cette brique. Chaque erreur se paie cher et on t'avait annoncé le prix. Si quoi t'as pas remarqué qu'on était au-dessus. Alors où tu paliras le parquet, on sera un peu plus au-dessus. Y'aura pas de temps mort, pas de break, pas de remords, pas de rêve. Qui prendra alors, qui fera le